Tu me condamnais pour expier mes péchés. Peut-on me pardonner bien que je sois damné? Après être enfermé, est-ce que ça changerait? Je préférerais penser que je vais empirer. Dans de telles conditions, ce n'est plus une détention. Enfermé dans l'inaction, c'est plus de l'oppression. Être fait prisonnier pour l'avoir dénoncé. Être mis à l'ombre dans toutes ces choses sombres. Faut-il que je succombe au fond de ces catacombes? Mais dans cette cage immonde sera sûrement ma tombe.